Les citoyens de la ville de Québec se sont fait avoir fourré. Si narcissique, Xavier Dolan, il gagnerait sûrement un prix dans un festival de radio à Venise. Accueillons le meilleur animateur de toutes les émissions diffusées à 19h sur Ici Première le vendredi, Jean-Philippe Vautier! Oh! Hey! Il y a du monde ici à soir, hein? Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, hein? La soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre du retour de la commission Charbonneau. Ah. Hey, ça, c'est-tu le fun, Fred Savard? Bonsoir. Bonsoir. Hey, mais on est content. Ah, on est content. Ben, nos jokes s'écrivent tout seuls. Ben oui. T'as pas besoin de travailler non. fort. Ben hein? Puis c'est parti fort. Hey, ouais. La petite Charbonneau a pris des bonnes vacances. non, mais elle est partie, chapeau de roue. Ah, lundi, paclao, corruption à Gatineau. Ouais. Mardi, paclao, corruption à Québec. Hey, non, pas Québec. Oui, ben oui. Hein? Québec, toi, voyons chose. Non. Ben oui. Puis Régis. Ben, il était même pas au courant. Mais là, voyons, non, je pensais que Régis faisait tout seul à Québec. Non, c'est ça. Pour la fraude, il déléguait. Ah! Ça, non, mais tu peux pas tout faire tout seul. Non, non. Tu sais, il peut pas s'auto-frauder, non, le gars. Tu sais, je veux dire, ça prend deux personnes de se crosser. Ah, ça dépend. Ça dépend. Oui, il y a des périodes dans ma vie. On rit par respect, Fred. Ben, merci. OK. Hey, parlant de fraude, on en a appris aussi des belles sur nos dirigeants syndicaux cette semaine. Oui. Hein? Les gros mâts, les gros bateaux. Les grosses bédaines. Les grosses bédaines. Hein? C'est une tendance lourde. Hein? On dirait que c'est un peu la même chose avec les photos de mafieux à Cuba qu'on a vues pendant le début de la commission. Là. Il semble que quand tu siphonnes les fonds publics, ça va dans la bédaine. Ouais, hein? Ouais. On dirait que c'est... Non, mais il n'y a personne de... Ça doit être pour ça que j'ai perdu 12 livres. Ah, regardez, vous êtes slim. Oui, parce qu'on est honnête. Ah, ouais. C'est des fonds publics aussi. Oui. Hein? À plus petite échelle. Oh boy, oui, mais c'est un escabeau. Oui, ben une marche, en fait. Mais bon. Hey, pouf. Parlons positif un peu. Nouveau projet pour la ville de Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine. C'est une nouvelle installation, en fait, qui a été créée par l'ONF en collaboration avec la compagnie Moment Factory. Et ça s'appelle le Mégaphone. Ah oui, Et l'idée, en fait, c'est de redonner un sens à la prise de parole publique. Ça, tu parles là-dedans, puis les mots se transcrivent sur les images. Ouais, je veux parler là-dedans, moi, je veux essayer ça. Justement, vous ne pourrez pas. Paraît que Denis Coderre campe dedans depuis qu'il est ouvert. Non. Puis il y a des... Non, mais il y a des choses à dire, Denis. Je sais pas si... Puis il n'y a pas de tribune, le pauvre. Non, il n'y a pas de tribune. On l'entend nulle part. Toujours dans le domaine municipal, il y a Marcel Côté, hein, qui a pris ses distances de la coalition qu'il a formée avec Louise Arel. Ben, en fait, il a surtout pris ses distances de Louise Arel, en fait. Oui, maintenant, on ne peut pas le blâmer. Non, hein? Ouais. Louise Fusion Arel, qui n'est pas trop populaire dans le West Island. Non. Et conséquemment, pas trop populaire dans le East Island non plus. Hein? C'est... Enfin. En tout cas, Marcel, il rechigne pas à parler au vrai monde. On a vu ça cette semaine. Oui. Il a passé la semaine dans les autobus de la STM à Sarrée des Mères pour rencontrer les gens. Moi, je trouve ça bien d'aller vers les gens. C'est le seul, je pense, qui fait ça. Non, en fait, il y a aussi le nouveau candidat, hein, Hiroi Léger, qui a fait la même chose dans le métro. Ah. En fait, lui, c'était plus pour se déplacer. Ah, ouais. C'est pas... Et dormir la nuit. Et dormir aussi la nuit. Fait que non, mais c'est un addon, en fait. Mais le pauvre, hein, il est pogné à Station Manque depuis 5 jours. Ah ouais? La ligne verte est en panne. La ligne verte est en panne. Ah. Mais c'est une panne normale. C'est pas une panne. C'est une panne prévue. Ah, OK. C'est, les pannes, c'est une panne planifiée. Panne planifiée. Tu sais comment ça marche, le métro de Montréal? C'est le meilleur système de transport en commun au monde, selon la STM. Oui. Et ça va le rester. Non, c'est une panne qui prévoit comme ça pour tester comment ils vont se déprendre d'une panne. Imprévue. Ah! Fait, non, mais tout va bien. Okay. Honnêtement, il n'y a pas de. Garde 5 positif. Oui. Qui se passe. Puis ils vont le tweeter, là. Pas longtemps, regarde, ils vont le dire. Ça va bien. Ah. Que, de toute façon, on va arriver en retard au bureau, 1 heure. Garde, c'est quoi? Regarde, le métro se reposer. On va bon, toujours dans le domaine des choses qui n'avancent pas, la charte sur la laïcité, hein, qui est toujours pas sortie. Mais non! Mais qui fait jaser. Ben oui. Ah, surtout depuis qu'on a appris que le crucifix allait finalement rester à l'Assemblée nationale. C'est une laïcité à deux vitesses, finalement, on va se le dire. Ben, au PQ, c'est plus une laïcité à reculons. Ah ouais? Ouais, c'est... En tout cas, moi, je préfère la position du Parti libéral du Québec là-dessus. Ah, il y en a une. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, et ça s'énonce comme suit. Le gouvernement ne doit pas favoriser une religion, ni favoriser l'absence de religion. Hein? Oh boy! C'est vrai! C'est neutre foncé, ça? Ben en fait, c'est neutre foncé, c'est neutre blanc, neutre jaune, pâle, rouge. En fait, que ce soit inclusif. C'est un neutre inclusif. Hein? C'est toujours en s'assurant que les gens de Québec sont d'accord avec ça. Ouais, fait que, tu sais, ça change de couleur selon c'est les... C'est pas simple. Ouais, non, mais c'est pas... Regarde. D'ailleurs, parlant de région, on cherche toujours les responsables de l'acte de vandalisme dans une mosquée au Saguenay. Non, c'est un acte isolé, là, quand même. On partira pas en croisade avec ça, là. Merci. Mais c'est parce qu'il faut savoir, Fred, c'est qu'au Saguenay, hein, tout ce qui est pas blanc et qui ne parle pas français est assez isolé, merci. Non, on rit, mais quand... Non, moi, je viens de là. Quand j'étais jeune, il y avait deux Chiliens qui sont arrivés. Okay. On était sûrs qu'ils étaient perdus. Ah ouais, hein? Ouais. Ils ont parti à un restaurant mexicain. Ah, mexicain! Ouais. Ah, ouais. C'est bien, non, mais regarde, c'est spécial. mais c'est le même, c'est Saguenay. C'est ouais. Mais heureusement, nos deux invités de ce soir ne sont ni isolés. Hein, ni chiliens. Ah, ouais, ni chiliens. Heureusement, maintenant, c'est parce que je parle pas. Enfin. On reçoit d'abord la nouvelle candidate de Projet Montréal, Marie Plourde. Ouais, ouais, ouais. Yeah. Ouais. Hey, instinctivement, les gens applaudissent. Dire qu'on l'a découverte à Musique Plus. Oui, et ça, c'était dans le temps que Musique Plus passait des vidéos de musique. Hey, et ça, ça fait... Ça, ça nous rajeunit pas, ça? Ça fait oh longtemps, boy. Ça fait longtemps. Et on reçoit également Micheline Langteau. Oui. Ouais, pour le... Ah, bon. Hein? C'est ça. Encore Micheline Langteau? Ben, on l'aime, frère. Ah ouais? Micheline. Ben oui, ben, c'est comme... c'est comme Raymond Bachand et Denise Bombardier. Ah oui, hein? C'est comme les, c'est nos chouchoutes à l'émission. Ça me semble que ça porte malheur de venir deux fois à l'émission. Hein? Ah il y a oui? Bachand qui a pris sa retraite, puis Denise Bombardier a travaillé avec Renaud Miroir. Là, ouais, mais ben, faut voir si Micheline est superstitieuse. Hein? De toute façon, on va avoir le temps d'y demander, parce que la soirée est encore jeune. C'est à moi qui... Oh, bye bye. Olivier Niquette? Ben oui! Ben les gens peuvent nous suivre. J'ai surpris, hein? Ouais. Ça fait juste 55 émissions de suite que c'est vous qui commencez. On est sur twitter.com/lasoirée, oui. facebook.com/lasoirée. Ah. Encore jeune et on a un site web radio-canada.ca/lasoirée. Oui, oui. Ouais, vous pratiquez. Où vous pourrez voir à la une du Photopolis qui propose des recettes pour des tripes de bouffe de Justin Trudeau, dont le steak au hachiche. Oui! Ah, ouais. Ça a l'air paraît bon. Que c'est délicieux avec la sauce aux champignons magiques. Okay. OK. Courrier des auditeurs. On s'habitue pas. Ça sonne pas hein? Courrier, hein? C'est... Non, ça sonne pas courrier. Enfin. Il y a Sylvain Labranche qui nous dit « Je me suis fait voler mon vélo cadenassé dans le stationnement à vélo de Radio-Canada pendant que j'assistais à l'enregistrement de l'émission la semaine dernière. » On est bien désolé, ben Sylvain. Oui, écoutez, on pourrait ramasser nos bouteilles vides puis vous les donner à la fin de la saison pour que vous achetiez un nouveau vélo. Parce qu'avant, c'est Fred qui les mettait dans son coffre de char, mais là, il n'y a plus de place, il y a un bicycle dedans. Ben non, ouais. Sinon... J'ai un gros char, hein, c'est un Buick. Ah ben oui, j'ai une Smart dans mon coffre à gants. Ah, yeah. Eh bon. On a aussi Sébastien Éon qui nous demande où sont passés les dinosaures. Bon. Ils sont tous rendus au Parlement d'Ottawa. Ça, c'est une blague qu'on avait écrite pour le stand-up, on le refusait. C'était pas bonne. Puis enfin, il y a Evelyne Lacasse qui nous dit que mardi, le 10 septembre, ouais, à 19h30, c'est la première réunion du Cercle des fermières de Sainte-Marguerite-de-Beauce au sous-sol de la salle municipale. Ben, ah. Merci Evelyne, c'est noté. C'est noté, effectivement. On a assez hâte. Ils vont-tu faire du twivage? Ben tiens, on le souhaite. On le souhaite. Dièse, je suis pas sûr qu'Internet punk dans le sol de l'église, honnêtement. Hey, dans un souci de s'écœurer de lui dès le départ, allons rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, bon, Jean-Philippe, comment allez-vous? Papé. Oui, ben, mais vous le savez, en troisième semaine consécutive où je poursuis ma grande série de grands entretiens nommés « Viens voir les politiciens municipaux ». Oui, et... C'est quoi, hein? Jean-Sébastien, ben, oui, c'est la musique thème de mes grands entretiens. Hey, mais c'est l'essentiel de Ginette Renaud. Ça, c'est beau, cette chanson-là. Ben, je veux bien, mais en même temps, avez-vous... Moi, ça m'arrache les larmes à chaque fois. Bon. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Oui. Arrêtez là. Arrêtez, j'ai une invitée avec moi, je suis pas capable d'arrêter. J'ai compté pour quelqu'un, quoi qu'il puisse. Mon Dieu, que c'est beau, ce chanson. OK, c'est beau. On s'en va plus tard. Bye bye, Jean-Sébastien. OK, bye. Premier invité. Elle fait partie de ces personnalités publiques qui ont décidé de s'impliquer en politique municipale et qui n'ont pas peur de se mouiller. C'est pour ça qu'elle est avec nous ce soir. Je suis excité. Accueillons Madame Marie Plourde. Hey! Comment ça va? On donne l'évêque de micro. Marie Plourde! Hey! Avez-vous vu comment Fred est excité? C'est la première fois que je m'enferme dans une présentation. C'est pour vrai, en 55 émissions. Ben, je suis émue. Ben non, mais ça veut dire quelque chose. De provoquer le trouble comme ça. Bonjour, Fred. Mais vous savez qu'on parlait de vous dans les bureaux, puis Fred n'arrêtait pas de mentionner les publicités que vous faisiez pour Gap à l'époque dans le métro. Oh oui! C'est toi qui volais ça. Non! Ben, vous savez. Dans mon coffre de bio. Non, mais c'est enfin, ça a marqué tout le monde. Puis c'était le fun de prendre le métro à l'époque. Il était partout dans le métro, hein? Oui, puis il marchait, il n'y avait pas de panne. Oui, ben c'est ça. C'était à l'époque où est-ce que ça fonctionnait. Hey, Marie Plourde! Ben, quand il y avait des pannes, c'était agréable. Ah, ça, c'est assez bien dit. Là, on est pogné avec des photos de... Ben, je sais pas, là. Je vois plus dans le métro. Ben oui, on le sait. Marie Plourde, prends ton char. Ben, je sais bien. Hey, moi, j'irais certainement pas dans le métro avec le monde. Non. Arc! Ah, tu ferais pas comme Marcel Côté, toi? Ben, Marcel, c'est la première fois qu'il faisait ça de sa vie. C'est bien. Ben oui, franchement. Ah non, vous êtes contre Marcel Côté, vous, hein? Hein? Vous êtes contre, Marcel Côté? Ben hein? Oui, c'est bien quand tu le blastes. Ah oui, ah ouais, c'est ça. Bon. Non, je fais pas comme l'autre Ferrandez là, avec ses yeux bleus puis son, qui est énervant. Mais il s'en est passé des choses dans votre vie ces temps-ci. Ça a bougé beaucoup. Il y a eu la politique. Ça, on s'attendait. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais pourquoi? Ben voyons donc, pourquoi? Premièrement, parce que je ne m'attendais pas à ça, c'est tout. C'est de mes affaires, regardez. Je n'ai pas besoin de vous partager tout ce que je ressens. mais en fait, il y a une chose que dont j'ai vraiment envie de discuter avec vous, Marie. Oui. Et c'est, on parlera de politique plus tard, là, la journée sans maquillage. La journée sans maquillage, ouais. C'était un moment pour avoir une réflexion dans sa vie. Je porte du maquillage au quotidien. Ouais. Et de par ma job, de par tout ce que j'ai fait, j'avais apporté du maquillage. C'est ça. Mais, oui. Mais pourquoi faire la promotion de sans maquillage? C'est plate de voir une femme pas maquillée. D'un certain âge, là. Mais d'un certain âge, pas les jeunes, c'est correct, mais je veux dire, à partir d'un âge, ça devient. C'est pas le fun pour personne. Mais... Non. Je suis mal à l'aise. Oui, bon! On l'a pratiqué avant l'émission, celle-là. Tu fais servir ton. Ben, ouais, on rit, c'est correct. Mais... Léa Strelitzky, qu'on soit plus tard, elle n'est jamais maquillée. Bon, au début, ça nous dérangeait, puis après, on l'a accepté, c'est correct. Mais oui, mais t'as juste à prendre une gravole, puis ça passe. Mais c'est drôle parce que les gens, ils disent, bon, on fait ça en collaboration avec un magazine féminin qui, d'habitude, montre en long et en large. Ben moi, je trouve que c'est courageux de la part du magazine féminin de faire ça. Ben oui, parce qu'ils font leur pain et leur beurre avec les produits de beauté. Et tu penses-tu vraiment que les gens qui annoncent dans le magazine trouvent ça le fun qu'on fasse la promotion? Probablement pas. Ben hein? Voilà. Ben c'est ça l'affaire. Ben non, mais on a le droit de se questionner, d'avoir une réflexion. Ben c'est-tu oui, nécessaire d'être toujours maquillé? C'est-tu nécessaire de proposer une image parfaite tout le temps? Non. Voilà. C'est pas nécessaire parce que les gens sont pas parfaits. Je travaille avec beaucoup de gens qui ne sont pas parfaits. Et à un moment, mais c'est niaiseux, mais on s'habitue. Hein? On s'habitue. Avoir une réflexion, Madame Plourde, on va oublier ça. Madame Plourde. Ben oui, c'est vrai, hein, la réflexion. On vous voit, ici première, on vous voit. Ici Radio-Canada. Oui, c'est vrai. Oui, bon. Moi, comme je viens d'une autre station, on tutoyait les gens. Donc, hein? Mais c'est la station du peuple. non, mais là, vous rentrez. C'est drôle parce que vous rentrez en politique, qui est un monde d'image aussi. Je me rappelle qu'il y avait eu un documentaire sur justement la journée sans maquillage oui. Où Christine Saint-Pierre avait passé une journée à l'Assemblée nationale sans maquillage. Oui. Elle s'était fait dire par tout le monde que, mon Dieu, qu'elle avait l'air vieille. Ben, fatiguée. Ben, c'est la même chose. Oui, mais c'est justement une des raisons pour lesquelles c'est important parce que les femmes, il y a deux poids, deux mesures, que ce soit en politique, que ce soit les gens qui font de la gestion d'entreprise et tout ça. Une femme qui va arriver pas maquillée au bureau ou encore au Parlement, ils vont dire elle est dépassée par ses dossiers. Elle arrive pas. Le gars qui va arriver mal rasé, que son costume tout croche, va dire regardez, il a travaillé style. Fort ouais. Il a travaillé fort toute la nuit style. Donc c'est pour ça, c'est ce genre de réflexion là ça vrai. Va au-delà de mettre du cache-cerne parce que vois au-delà. Non, mais vous avez raison parce que j'ai vu mon ami Éric Salvay récemment, puis Éric Salvay il sera jamais non mais on rit, mais Éric il travaille sa barbe d'une journée et demie. Puis tout le monde dit, oh mon Dieu, que c'est. Travaille fort. Ouais. Alors que si une femme arrivait avec une barbe d'une journée et demie, personne. Non, c'est niaiseux. Ben, et là, vous rentrez en politique et vous allez devoir vous maquiller pour vos pancartes électorales. Avez-vous des budgets pour des pancartes électorales? Tu sais qu'on n'a pas de problème d'argent, de financement. On a un très bon financement légal. Ah ouais? Oui. C'est sûr, une pièce de plus de l'heure au Parc-Omer dans le plateau Mont-Royal. Non, ça va pas là. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Non. Fait que là, vous allez avoir des pancartes. Vous allez vous maquiller. Des belles pancartes. Oui, sur ma pancarte, je suis maquillée. Bon, ben parfait. On va voir ça à partir du 20 septembre, oui, c'est ça? Oui, quand ça va être officiel, la campagne officielle. Donc, dans le Mile End. Yeah, ton district. Oui, oui, tout à fait, je vis là. D'ailleurs, je me sais en territoire hostile parce que ton toupette, toi-même et ton char, vous n'aimez pas notre administration. Je pense que ce serait surestimer mon toupette, qui n'a pas d'opinion pour lui, en fait. Ah, pourtant, je trouve qu'il s'exprime bien. Oui, mais je vais vous avouer quelque chose. J'ai vu Luc Ferrandez... comment on appelle ça, le gourou, récemment. Et il y avait beaucoup de... Je tiens à me dissocier des propos de l'animateur de l'émission. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Non, vous vivez dans Rosemont. Madame Plourde. J'étais dans le plateau avant. Vous avez le même âge. Je suis parti, il y avait trop de monde. Oui. Ben, vous êtes dans Rosemont même. Oui. Dans vous. Bon. C'est trop populaire, le plateau. Ben, c'est ça le problème. Vous vivez dans le plateau? Ben oui, depuis toujours. Depuis toujours? Ben, depuis toujours, en fait. Depuis que j'habite à Montréal. Dans le Mile End? Oui, aussi? Dans le district du Mile End, oui. Où vous restez comme ça, juste hors micro, juste pour qu'on se voit à l'épicerie? Oh, on en parle pas. Bon, OK. La vraie question que je vais vous poser, évidemment, c'est... Luc Ferrandez, on l'aime ou on l'aime pas, hein? Vous l'aimez visiblement. Ben, je pense que oui, bon. Si je n'étais pas... Là, vous allez nous proposer quoi, nous, aux habitants du Mile End, qui ont vécu la transformation que Luc Ferrandez a fait subir aux gens... Comment subir? Qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans? Exprime-toi. En fait, c'est la désorganisation. Éteins-toi. Je l'aime beaucoup, Luc. Je l'aime beaucoup, Luc. Il est fin. Oui. Un, il a des beaux yeux. Deux, il est gentil. Mm-hmm. Il est drôle. Mm-hmm. Et c'est pas un bullshiteux. Non, pas tout. Hein? C'est ça qui, à quelque part, quand on lui parle, on a l'impression qu'on a la vérité. Ben, hein? Pas, on a l'impression. Ils nous donnent leur jeu. Tout à fait. Et il a lui-même avoué que, bon, ça a été fait un peu n'importe comment, son affaire. Il a pas dit ça. Il a un peu dit que c'était... Non, il a pas dit ça. Il a dit quoi? Non! C'est, tu vois, c'est quand les médias vous galvaudez des clichés énormes comme ça. J'aimerais ça qu'on va juste prendre... Fred, fermez son micro 30 secondes que je finisse l'entrevue. Fred, Madame Plou a raison. Puis Jean-Philippe, il va vous dire, ce qu'il aime pas, c'est le couvre-feu à 21h. Il trouve ça de bonheur. Et vous avez très raison, mais vos lovers, après, si ça te va bien. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez apporter avec dans le district du Mile-End? Non, mais moi, je sais pas. C'est quoi les plans? Ben, c'est les plans. On va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a déjà entamé? C'est-à-dire? C'est-à-dire renforcer. Est-ce que tu connais les ateliers d'artistes? Un homme de peu de mots. J'étais pas là récemment. J'ai pas il, y a un, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est fait sur le plateau Mont-Royal et on va dans le district du Mile-End. C'est de prendre, coin de Gaspé, là, dans le, dans le nord. Il y a beaucoup de buildings avec des ateliers d'artistes là-dedans et ça a été acheté par Allied Property et on a réussi à faire en sorte de protéger les ateliers d'artistes, de faire en sorte que pour les 30 prochaines années, il n'y aura pas d'augmentation de loyer, pouvoir garder justement ce qui fait la richesse du Mile-End. Et les gens apprécient ça. Et même d'autres compagnies comme Framestore qui viennent s'installer parce qu'ils aiment justement cette diversité-là. Ils aiment voir les artistes émergents. Et on travaille pour les artistes émergents. On va proposer plein de choses. Mais ça, c'est dans la culture. C'est le monde culturel. Oui. Bon, mais maintenant, vous êtes urbaniste. Oui. J'ai appris en lisant vos dossiers. Oui. Urbaniste. Ben non, je vais quand même, des études en urbanisme. Oui, j'ai étudié. J'ai pas mon diplôme. Je veux pas faire une Éric Carre dans moi. J'ai pas mon diplôme non plus. Et j'ai étudié en sciences politiques. Je suis rentré dans les médias comme vous. Oui. Hein? On a mal tourné. Ben non, mais tout à fait. Mais vous savez qu'Olivier, lui, est urbaniste. Sans blague. Lui, il a terminé pour vrai, lui. Oh. Ouais. Alors, vous êtes en train de dessiner des rues en ce moment. Chacun son boulot. Mais en tant qu'urbaniste, vous avez une idée de la ville quand même. Vous avez une idée de ce que vous voudriez voir dans la ville de Montréal. Oui. C'est quoi pour le Mile-End? Pour le Mile-End, ben c'est poursuivre. Comme je te dis, c'est poursuivre ce qu'on veut faire. On veut, entre autres, désenclaver une partie du plateau du Mile-End et pour les passages à niveau, pour pouvoir réussir à traverser entre les deux. Parce que c'est niaiseux. C'est vraiment niaiseux. Ouais. Et le CP... c'est Canadien Pacifique. Canadien Pacifique se heurte. Ils veulent rien savoir. Pourtant, les trains, c'est d'habitude c'est assez fiable. Ah oui, c'est fiable, safe. Hein? Ben oui, y a pas on a vu ça. Donc, il y a désenclavé une partie du Mile-End. Il a continué. On veut vraiment rendre ça encore plus convivial. On veut travailler justement sur les saillies, rendre ça plus sécuritaire encore une fois, puis verdir notre quartier, puis multiplier les ruelles vertes, puis ces initiatives-là qui font en sorte... mais qui font en sorte que les familles, on veut retenir les familles en ville parce que les familles partent pas juste sur le plateau Montréal, partout à Montréal. Il y a 20 000 familles qui quittent bon an, mal an parce que, c'est sûr qu'il y a le fait que c'est cher, mais aussi les gens ont peur de pas pouvoir retrouver un milieu de vie convivial, chaleureux, familial. Et c'est ce qu'on veut travailler sur le plateau Mont-Royal. On veut faire en sorte que les gens, même si tu habites un triplex, ben t'en as une cour, t'as une grande cour avec des arbres, avec des balançoires. Ça s'appelle le parc Laurier, ça s'appelle le parc Baldwin, ça s'appelle le parc La Fontaine, ça s'appelle le parc Jeanne-Mance. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais est-ce qu'on peut-tu raison. Être contre la vertu? On peut-tu être ben non, c'est ça. Tout le monde est pour la tarte aux pommes. Je disais, gars, moi-même, j'haïs pas ça de temps en temps, pas trop souvent, parce que ça fait engraisser. Non, mais moi, je pense pour garder les familles, il faut faire comme la banlieue, c'est ouvrir un Costco dans le plateau Mont-Royal. Les gens adorent ça. Ben, les livres sont pas chers. Pas la viande, il paraît que c'est non, bon. Non, mais hey, un filet. Non, non. Non, non, mais une palette de ballonnés. Enfin, on en reparlera plus tard. Vous restez avec nous, hein? Parce qu'on a vraiment beaucoup de fun. En tout cas, moi, j'en ai. OK. Vous savez, on l'a dit, hein, ça a brassé en fin de semaine à Saguenay. Hein, oui. On en a parlé pas mal. Et là où il y a des vitres cassées, il y a une pièce à faire. Alors, on va aller retrouver Serge Quelque Chose qui a de belles offres pour ceux qui aimeraient s'inspirer de la Charte des valeurs pour foutre le bordel. On écoute. Salut, c'est Serge Quelque Chose en direct de la méga-vente de liquidation du numéro 1 en région, Xeno Dépôt. Hey, ça vous tente de péter de l'hindou, du chin-tok, de l'arabe ou du tamoul? Venez nous voir, on est là tout le week-end, on bouge pas, oh que non. Vous voulez profiter du prochain long congé pour cochonner une mosquée, casser les vitraux ou mettre le feu à une synagogue? On a tout ce dont vous avez besoin à 50% de rabais. Sac de cochon, marteau, cagoule blanche, roche à garrocher, cocktail Molotov prémonté avec des signes nazis dessus. Hell, on a du choix. Et laissez-moi vous dire que le patron est fort chez Noir, il arrête pas de me dire depuis tantôt, toute la marchandise marchandises doit disparaître, comme les importer. C'est la folie dans tous nos départements. Matériaux de destruction, peinture, décoration, chauffage, électricité, nettoyage et tapochage. Vous trouvez que le Québec est à moitié prêt avec les ethnies? Faites-les passer au cash avec nos deux pour un sur les lance-flammes et les voitures piégées. Vous seriez fous de ne pas profiter de nos rabais électrisants sur nos clôtures haute tension. Et si vous passez avant 21h, on vous donne des gallons de peinture blanche. Stranger No More, plus blanc que blanc. C'est ça quelque chose qui vous invite à la méga vente de liquidation de Xeno Dépôt parce que tout ce qui est ici doit partir et ce qui n'est pas d'ici encore plus. Eh bien, c'était... c'était Serge quelque chose. Ouais, quelque chose. Alors, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, bon, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va très, très bien vous-même? Toujours très bien. Je suis toujours de retour pour mes grands entretiens de la politique. Oui, slacker ça tourne, hein? Ah oui, hein? Oui. L'essentiel. Oui. Ça, c'est beau, ça. Oui, OK. Alors, je me trouve actuellement au Parc La Fontaine, tout près des Buissons, en fait. Ah, avec quel représentant, Philippe Schnob? Pas rapport. Je me trouve présentement non, avec celle qui tente de ravir le titre de mairesse du plateau Luc Ferrandez. Elle s'appelle Madame Danielle Lorrain. Vous la connaissez bien, Jean-Philippe, c'est une comédienne, une enfant de la balle, comme on dit, car sa mère est également comédienne. Bonjour, Danielle Lorrain. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Merci, très bien. Oh, es-tu adorable? Avant de parler de politique, je voudrais parler de votre filiation artistique. On va pas se le cacher, hein, quand même, vous êtes la fille d'une grande comédienne. Je veux savoir, est-ce que c'est un plus ou un moins d'être la fille de Jeannine Chuteau? Ah, oh, c'est un plus. Définitivement, c'est un plus. Je suis contente qu'on m'en fait une deuxième. J'avais juste une vieille de l'initiation, puis là, ben, je viens d'en attraper juste par un 2-1 avec Jeannine Chuteau. Je suis ravie, j'adore Jeannine. Mais vous avez raison d'être fière de votre mère, et vous avez raison d'être très fière de votre beau rôle, Madame Lorrain, dans Fortier. Mais oui. Je faisais la graphologue dans Fortier. Je viens de vous coincer, là, hein? Mais vous étiez la meilleure graphologue que j'ai vue à la télévision. Oui, moi aussi, me semble que j'étais vraiment formidable, hein? Formidable? C'est incroyable, Madame Lorrain. Écoute, bon. On en a parlé pendant des années, hein? On en parle encore. Ce matin, encore, on parle. Encore dans la rue, on m'arrête, hein, pour me dire, mais, oh, Madame Lorrain, faut que je vous le dise. Cette séance de graphologie dans le Fortier, ça m'a marqué pour la vie. Mais je me disais, Vera, elle a déjà été graphologue, c'est comme rien. Madame Lorrain, quand même, ça prend beaucoup de courage pour abandonner sa carrière d'actrice pour se lancer en politique. Je veux dire, sur le plan de la comédie depuis quelques années, on vous voyait partout. Vous étiez en train de vous brûler, Danielle Lorrain? Ah oui, complètement. Complètement. Vous savez, c'est ça, hein, le plus difficile, c'est la surexposition. Alors, j'ai décidé d'abandonner, vous savez, avant... Oh, écoutez, c'est très dur d'abandonner. L'abandon, vous savez, l'abandon. J'ai du mal à m'abandonner, d'ailleurs, moi-même. Mais rassurez-vous, je vais sûrement le faire, hein, je vais sûrement le faire. Je vais finir par m'abandonner un jour. On s'abandonne tous, vous savez. Mais on va s'abandonner à une belle conversation sur la politique dans quelques secondes, Madame Lorrain. Jean-Philippe, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Viens voir les politiciens municipaux. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Bautier sous les ondes de Ici Radio-Canada Première. Ouais. Une émission bien mieux laïque que Bernard Drinville puisqu'elle n'a aucun crucifix sur le mur de son studio. Elle. C'est vrai, ça. On va aller relaxer un peu, c'est le moment de notre billet d'une autre époque, Fred Savard. Non, mais c'est là, si vous avez envie, prenez nos billets, c'est le temps. Alors, c'est encore une autre semaine complaisante, côté invité, la soirée est encore jeune, on va se le dire. La gauche caviar dans toute sa splendeur, hein, avec Marie Plourde et Micheline Langteau, bien qu'avec les entrées en salle des films de Mme Langteau, je pense qu'on parle plutôt de caviar d'aubergine que d'esturgeon. Non, en même temps, c'est très bon, le caviar d'aubergine, et ces temps-ci, on peut en avoir une vingtaine à peu près pour 5$ au marché Jean Talon. Ainsi donc, comme je l'ai déjà fait par le passé dans cette émission, je vais me sacrifier et vous offrir une chronique de droite cette semaine. Enfin. On va se le dire, dans le fond, c'est à votre demande, Jean-Philippe. Ouais. Un espèce de petit guide paresseux sur comment décrypter la pensée simpliste de droite. Question qu'on ne nous accuse pas de pencher toujours du même côté idéologique. Ouais. Eh bien, honnêtement, ça tombe plutôt bien. J'avais pas vraiment de sujet cette semaine qui m'aurait permis de m'indigner et de démontrer ma grande générosité de cœur envers mon prochain. Alors que je sois plus à droite cette semaine, me sied très bien. Ça me permettra de le manger, mon prochain, au propre comme au figuré. Et je n'aurai pas besoin de trop réfléchir. Ce sera un peu comme une petite vacance. Hein? Une petite vacance. Ben, des vacances. Et sincèrement, je pense pouvoir également contribuer à donner un peu de respectabilité à nos zozos de la droite. Et je dis zozo en tout respect, hein, parce qu'on va se le dire. Nos ténors droitistes font un peu pic-pic au Québec. Et plus triste encore, les seuls qui ont un petit peu d'allure et qui sont fréquentables se retrouvent tous à l'émission C'est pas trop tôt de Marie-France Bazot sur nos ondes. Et je parle bien sûr, ici de Mathieu Bocoté et Joseph Facal. Je vous invite à écouter cette émission-là, particulièrement le vendredi matin. C'est très, très, très bon. Ouais, et vous êtes dedans. Hein? Pour allier l'utile à l'agréable, je vais me faire plaisir et profiter du fait que l'émission la semaine prochaine est toujours en vacances pour y aller d'imitations approximatives qui serviront mon propos. Allons-y. Alors, prenons deux grands titres qui nous ont frappés cette semaine et tentons de les passer à la sauce de jambonne. Prenons par exemple les propos de Bernard Drinville à l'effet que le crucifix qui orne le mur de l'Assemblée nationale allait rester à sa place malgré le désir ardent du gouvernement de rendre l'État laïque dans tous les autres domaines. Si vous êtes de gauche, hein, vous êtes évidemment outré du message qu'on envoie aux immigrants, ces pauvres bougres qui arrivent ici avec les meilleures intentions du monde et qui malheureusement sont rabroués par le nationalisme sectaire du PQ. Si vous êtes de droite, par contre, vous allez plutôt dire « Attention, c'est ici que mes grands talents d'imitateur entrent en jeu » et ça va comme suit. On sait bien au Québec, hein, on n'aime pas ça le crucifix parce que c'est Maurice Duplessis qui l'a mis à l'Assemblée nationale, puis les professeurs gauchistes brainwash nos jeunes depuis des années avec la révolution tranquille dans nos écoles subventionnées avec nos taxes, même si on sait que Duplessis est le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec, mais on le sait bien au Québec, on n'aime pas ça le succès. Qui vous imitiez? Toute ressemblance avec la voix d'Éric Duhaime est absolument... absolument fortuite. Prenons un autre exemple afin de poursuivre la démonstration. Par exemple, la une d'hier du Journal de Montréal a l'effet que les grands chefs syndicaux étaient tous sur écoute par les autorités policières. Évidemment, si vous êtes de gauche, vous êtes outré d'apprendre cela puisque ça va à l'encontre de vos valeurs libérales et que les syndicats, malgré leurs défauts, restent les derniers remparts de la barbarie que propose la main invisible du marché libertarien. Mon Dieu que c'est bien écrit. Hein? On s'endort presque. Hein? Non, moi, je bois ça. Mais c'est une petite vacance. Mais si vous êtes de droite et que vous vous appelez Régent Breton, par exemple, et qu'on vous a confié un micro à Radio X, vous vous dites... attention, ça va être off. Non, elle est pas facile, celle-là. Allez-y. C'est un peu rogue, c'est... Qu'on a mis les chefs syndicaux sur écoute parce que ce sont des bandits? Est-ce qu'on a mis sur écoute des professeurs retraités d'une faculté de droit qui profitent d'un gros fonds de pension et qui chient maintenant sur les syndicats, même s'ils profitent grassement des avantages que leur a donné ce même syndicat? Il me semble que c'est plus le personnage de Philippe Lagu. La réponse est non! Alors, voyez, pas difficile d'être à droite. Ah, j'ai plus de voix. Suffit de se regarder le nombril et d'abuser encore et encore de la mauvaise foi. Je pourrais continuer longtemps à donner des non, exemples. Mais je pense qu'on a compris. Et bien honnêtement, être à droite pendant 4 minutes, c'est encore beaucoup trop pour moi. Si vous permettez, Jean-Philippe, je vais de ce pas prendre une douche. Merci, Fred Savard. Bravo. Hein. Aïe, aïe. On parle ici des connaisseurs de radio de qualité. Ouais, ben oui. Un rappel. Et vous savez que Marie-Plaude vous aime aussi. Hein? Oui. C'est, elle le dit. C'est partagé. Oui, non, mais c'est ça. M'arrêtez. Oui. Hein? Okay. Arrêtez. C'est bon. Très... on va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Ah, mon gros Jean-Philippe, comment allez-vous? Alors, je suis toujours avec Mme Danielle Filiatro, qui se présente contre Luc Fernandez aux élections municipales sur le plateau. Et permettez-moi de vous dire avant tout que Mme Lorrain, je vous supporte en batèche. Moi, je vais voter pour vous. Je pense qu'il est temps que le plateau redevienne ce qu'il a été. À bas les socialistes! On en a plein le dos, des bétiques, des plantes, des pianos dans les rues, puis des poteaux avec la laine dessus. Et, si je vous comprends bien, Mme Lorrain, vous proposez de tout abattre ça et de ramener le bon sens, puis les hummers dans les rues du plateau. Oui, cher monsieur, j'en ai d'ailleurs acheté deux ce matin. Ils sont magnifiques, ils pèsent 15 tonnes. Bon. Écoutez, sur ma rue, là, c'est de toute beauté. Les gens s'arrêtent pour les regarder. Mais en même temps, justement, parlant de ça, je salue votre panache, Mme Lorrain. En janvier dernier, vous avez dit sur Twitter, je vous cite, « Sont venus marquer ma rue pour en faire une piste cyclable géante. Envie de me calisser en bas du balcon. Total déprime. Hashtag, j'ai dit confession. Enfin, une politicienne qui a pas la gueule de bois. » Non, c'était la langue de bois. Ah! Puis ce temps-là, j'ai une jambe de bois car me jetant par-dessus la rambarde du balcon. J'ai maintenant la jambe de bois. Vous n'avez pas fait ça. Parlant esthétique, vous n'utilisez pas juste Twitter pour parler de vélo, mais également pour discuter des grands enjeux de notre époque. Par exemple, le 23 août, vous vous êtes prononcé sur un sujet choc. Vous avez dit que la nouvelle coupe de cheveux de Sophie Thibault était ravissante et très féminine. C'est vrai ça, Daniel? C'est tellement frais. Es-tu belle, hein? Oh, a-t-on l'air fin, comme disent les matantes? Elle doit être belle, fille. Ah, oh, gentille. Et parlant d'esthétique, vous pensez quoi de ça, vous, les femmes politiciennes qui sont contre le maquillage, comme la petite Marie Plourde? Eh bien, je trouve que c'est très bien d'être contre le maquillage une journée par an, n'est-ce pas? Parce que je pense que tout le reste de l'année, elle n'est pas si contre que ça. Oh, punaise! Ça va pas bien, hein? Mon Dieu! La marque des poignets, Jean-Philippe. Eh bien, cette semaine, Pendant mes grands entretiens politiques, je permets aux auditeurs de poser des questions à mon invité. Alors, si vous avez envie de poser des questions à Daniel Sutto, vous pouvez m'envoyer un tweet à JS Girard sur Twitter. On y répond dans quelques minutes. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Toujours essentiel. Ben ouais. Fred, notre deuxième invité. Cette grande dame du cinéma n'a pas la langue dans sa poche et ça tombe bien, elle n'a parfois même pas de poche. Accueillons Madame Micheline Langteau. Micheline. Patrick. Oh non, excuse. Richard. C'était très drôle. Non, c'est pas ça. Ben Richard, de plus en plus, hein. C'était très drôle, par exemple. Oui. Là, vous vous trompez d'émission, c'est pas encore commencé. OK. Ah. Hey, Micheline Langteau. Bon, ben, je vais sortir mes questions aux chiennes, d'abord. OK, je suis prête. Hey, puis toujours, quoi de neuf depuis le 8 février? Je remarque que vous n'avez jamais employé le joli petit mot que je vous avais suggéré d'employer pour remplacer, je ne sais plus qu'est-ce que vous disiez. Je pense que je disais tout le temps absolument. C'est ça, je vous avais suggéré entonces. Entonces. Ah oui, c'est vrai. Entonces. Je ne l'ai entonces. Jamais entendu dans votre bouche. Non, mais ben, je suis déçu. C'est quelle langue déjà? C'est du grec? Non, c'est parce que j'avais un problème, j'arrêtais pas de dire absolument. Oui. Puis on est. Un comme... adverbe, c'est pas joli. Hein? Non, c'est ça. Puis non, mais je me le fais dire. Hein? Je me le fais c'est dire. C'est ça. Fait que j'attends toujours Entonces. Entonces. Entonces. Bon, mais pour vrai, on est très contents de vous avoir. Ben, écoute. Mais non, aussi. Mais c'est vrai, vous êtes absolument d'actualité aujourd'hui parce qu'on a appris ce matin que le petit baveux de Dolan avait gagné un prix. Ben oui, la Fipreski. Oui, le c'est quoi le prix quoi? Le prix de la Fipreski. Fipreski, c'est ça. Ah, je cherchais sur Internet. Puis je trouvais pas le prix. C'est le prix de la critique à Venise. À Venise. Et voilà. Vous savez qu'elle a donc, vous avez déjà remporté le Lion d'argent à Venise. Eh oui, en 1984. On reçoit pas d'amarde ici. Non, non, je vous prie. Non. C'est ça. Ben oui, ben oui, on se prie. Ben oui, non. C'est ça. Traitez-moi poliment. Mais là, dites-moi. Ben oui, non, jamais que je dirais jamais rien de mal contre vous. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est plus hâte un lion d'argent ou votre affaire Fipreski? Fipreski, c'est hors compétition. Ah, mon Dieu! Ça fait pas c'est comme un prix de consolation. Non! Non, on peut le dire. Est-ce que c'est un prix de consolation? C'est un prix très prestigieux. C'est le prix de la critique internationale. Donc, ouais. C'est sûr que ça... Mais c'est pas un lion d'argent. Non. Mais ben, je ne sais pas si c'est considéré comme faisant partie de la nomenclature officielle. Ah, mon Dieu! C'est comme si on s'intéressait même pas à ça. Ben parfait! Mais vous, là... Xavier, excuse-moi! Non, mais... Je vais vous parler dans les airs de même. Ouais, c'est ça, il est pas mort. Il m'entendra pas. Il est à Toronto, je pense, en plus, ce week-end. Ben oui, c'est ça. Ça a été un été de cinéma québécois assez hétéroclite, non? On est parti avec Louis Cyr, qui a très, très bien fonctionné. Hein? Et puis Hot Dog, qui... Un petit peu moins. Ben, c'est moins ça. Reliche moutarde, c'est, ça, ouais, ça c'est manquait. Plus, c'est ça. C'est ça. Et c'est très drôle parce que Hot Dog a été un peu conçu comme un film à succès. On voulait en faire une grosse... Moi, on dit que j'aurais aimé ça, hein? Je le sais! Je le sais! Il y avait tous les ingrédients. Ben oui, hein? Et maudit! Une canne de Rémi Girard. Une livre d'Éric Salvaille. D'habitude, ça fonctionne, ces affaires-là. Le monde se serait bousculé aux portes. Ça aurait été formidable. Mais en date du 30 août, Hot Dog a récolté 357 000 $. Ben, c'est pas mal. Et c'est pas votre dernier film... Pas autant que moi. Oui, voilà. Pour l'amour contente. De Dieu, récolté quasiment 500 000. Que vous le souligniez, enfin! J'ai battu Hot Dog! Deux films, on n'a pas vu. C'est un excellent film. Oui. Oh, est-ce que vous dites ça en tant que politicienne ou en tant que... Non, elle savait. Je n'étais même pas politicienne, puis je l'ai rencontrée, puis je lui avais dit. Ben, j'espère que ça fait une semaine que vous êtes politicienne. C'est bien. À l'intérieur de vous-même, Madame Langteau. Oui, mais il se passe bien des choses à l'intérieur de moi-même. Étiez-vous un peu contente que Hot Dog se pète la gueule demain? L'avez-vous vu, premièrement? Oui, ben oui. Non, je ne l'ai pas vu. Arrêtez parce donc. Que, ben écoute, j'ai eu un été de fou. Chargé. C'est-à-dire? Ah, ouais, très chargé. Je n'ai aucune... en mon très fort intérieur, j'ai aucune... Aucun plaisir à non, aucun plaisir à la déconfiture des autres parce que, bon, on est solidaires ou on le l'est oui, pas. Oui, mais parce qu'en même temps, c'est un peu... C'est un peu ce que M. Gouzeau vendait. Hein? L'idée de faire un film à succès pour vendre du popcorn puis vendre des entrées, puis c'était la recette. C'est un peu ça, en fait. Et puis, ça s'est un petit peu planté. Fait que ça va un peu dans votre sens. C'est pas le seul, mais moi, je trouve qu'un film qui se plante, c'est dommage pour tout le monde. Mmh. C'est pas parce que on parle d'une cinématographie, on parle pas d'un film en particulier. Vous avez tout à fait raison. Et quand un film a du succès, on est tous contents. Entonces, c'est un effet d'entraînement. Ben oui, vous avez Et inversement, quand un film se plante, pour quelque raison que ce soit, oui, hein, vous avez raison d'être fier. Absolument, Anne Tantesse. Si le film se plante, c'est dommage pour tout le monde. Donc, non, je veux bien, mais quand vous étiez ici... Je ne fais pas de Schadenfreude, moi. Ah, mon mot pour vous, ça. Là, c'est de l'allemand, de l'espagnol. C'est un mot cultivé, ça. C'est un mot cultivé. Ben oui, ça prend de la culture. Ouais. Bon, vous allez bien vous entendre avec Marie Plourde. Elle va en mettre plein du Schadenfreude dans le plateau. Ouais, ouais. C'est un concept. Ben oui, non, je sais. Parlons de télé, parce que la rentrée s'en vient très bientôt pour Unité 9. Oui. Vous avez tourné tout l'été là-dessus? Est-ce que vous avez encore des tournages? Ou? Oui, on recommence au mois de septembre. On recommence bientôt. Ah, donc, parce que là, Élise, votre personnage, est en train de sortir de prison. Et hey, ben, c'est maudit, Saint-Amand, hein? Qu'elle trouve pas ça drôle. Ben non, ben, Micheline Anctot trouve pas ça drôle parce que les pays arrêtent ou est-ce que le personnage... Non, mais... Mais c'est comme n'importe quoi, je veux dire, est-ce que... Mon cher, cette année, ça vient de partout, alors. Ben non, je sais bien, il y a des années comme ça, puis il y en a d'autres années qui sont plus... mais bon. J'ai trouvé ça dur, c'est niaiseux à dire. Ben oui. Hein? J'ai trouvé ça dur parce que tout à coup, je me suis retrouvé en maison de transition, loin de ma petite gang. Puis on avait tellement de plaisir ensemble que j'ai pleuré tout seul dans mon coin. Pour vrai? Jean-Philippe, c'est épouvantable. J'ai l'impression que je m'en vais du show, tu sais. Ben, c'est ça. Mais en fait, c'est juste que je suis passé en maison de transition, donc... Là, vous tournez à un autre studio. On était dans une vraie maison de transition. Ce qui nous a posé des problèmes d'horaire. Oui, la maison de transition dans notre âme de grâce. Et puis, avec des vrais détenus, c'était absolument fascinant. Une expérience vraiment formidable, oui. Mais j'avais quitté l'unité. Mon cœur saignait tout l'été. On s'est envoyé des petits mails. Ah, mon Dieu, vous êtes technologique comme ça, vous. Oui, bien, parce que le faux, je les voyais plus. Ben non, c'est bien maudit, ça. J'avais plus l'occasion de les voir. Alors, puis là, mais est-ce que vous allez faire un autre mauvais coup en retournant dedans? J'en ai aucune idée. Ben, je vous le Honnêtement, je le souhaite, moi aussi. Ben là, faut pas que ça soit trop gros, par exemple, parce que c'est non, pas non, non, non, j'ai rien qu'à sauter ma probation. Ah, bien, comment qu'on peut faire ça? Je reviens dedans. J'ai qu'à pas me présenter au poste de police. Bon, on faisait ça. On va le dire à Fabienne. Non, je vais l'avoir bientôt aux Gémeaux. Mais l'auteur, non, Daniel Trottier, j'ai demandé plusieurs fois, puis elle a gardé le secret là-dessus. Arrête. Alors, je sais pas. Oui, justement, les auteurs comme ça, ils ne parlent pas à leur personnage de leur. Je pense que c'est tout à fait normal. Ils ne veulent pas que les intrigues s'ébruitent avant que la série soit en onde. Puis nous, on tourne vraiment très proche de la diffusion. Donc, à ce point-là? Ce qu'on a tourné cet été, c'est en onde au mois de septembre. Là. Alors, est-ce qu'on va tourner au mois de septembre? Ça va être en onde. Après janvier. Donc, on est très, très collés sur la diffusion. Puis quand il y a des fuites, c'est moche. Les gens savent ce qui arrive. Oui, non, c'est clair. Mais de toute façon, vous pouvez le dire ici. Personne ne m'entend. Puis vous ne le direz pas à personne. On a de très bonnes codes d'écoute, mais je veux dire, ça reste... Oui, c'est confidentiel. À l'échelle d'un vendredi soir à la radio. C'est ça. Comme mes fils. Ben, sors les mots de la bouche. Exactement. C'est des succès d'estime. Et en même temps, on est très heureux. Attends, un petit peu plus qu'estime quand même. Là. Un million d'argent, c'est plus qu'estime. Là. Ouais, ouais. On n'a même pas gagné d'olivier d'argent, nous. Ah, mais vous avez le prix, c'est ça. Pas non. Encore, là. Ouais. Fait que, mais ça, bon, bientôt. Tantôt, on parlait justement de Journée sans maquillage avec Marie. Et puis, vous avez déclaré à la presse récemment, je pense que d'ailleurs c'était à Franco, c'était très drôle. Vous avez été chanceuse d'avoir le rôle d'Élise, hein, qui est un cadeau, mais j'ai l'air d'avoir 195 ans à l'écran, le HD est un tueur. Mais là, c'est pas un peu exagéré. Je l'ai dit, bien, 195, ça dépend de qui regarde. Là. C'est quand moi, je me regarde. Oui, oui, bien, c'est ça. C'est parce que nous, on appelle ça, entre nous, le HD, le High Demolition. Pour vrai? C'est pas la haute définition, mais c'est la haute radio. Démolition. La radio, c'est fabuleux. C'est extraordinaire, d'ailleurs. Ouais. Je brigue, Jean. Oui, bien, je brigue un poste. Notre réalisateur est ouvert, absolument, à vous recevoir. Formidable. Et à chaque semaine, le poste de Fred est sur... C'est vrai que c'est extrêmement difficile à prendre. Et je vais vous surprendre quand vous verrez sur un moniteur bientôt, Patrick, ou enfin avec Patrick. Jean-Philippe, pardon, merci. Non, mais on se mêle tout le temps. Je suis lui sans contenu. Vous allez avoir ce petit choc aussi, je crois. Oui? Oui. OK. Ouais. Même si votre visage est enfantin et joli et tout. Merci. Moi, je pense que mon visage est enfantin. Ça fesse. Ben, merci beaucoup, Micheline. Vous restez avec nous pour le reste de l'émission. Avec plaisir. Ben, ça va être assez drôle parce que la chronique de Fred est passée. Alors, mais de toute façon, on a la chronique que tout le monde aime. Présentez-nous notre prochain chroniqueur, Fred. Ces chroniques font les délices des gourmets de la radio Jean-Bonne, comme quoi l'appétit vient parfois en écoutant. Accueillons Olivier Niquette! Olivier, et que ce thème-là est long. Que la musique ben finisse. Oui. Ben ouais. Ben, je suis très excité par le retour d'Occupation Double cette semaine qui intègre cette année un volet de participation citoyenne en permettant au public de voter pour ceux et celles qu'ils aimeraient voir effectuer des rapprochements dans le spa. Et mon choix est déjà fait, je vote pour Ariane. Paris Hilton, c'est mon idole parce qu'on me compare souvent à elle parce que je suis blonde avec mon petit chihuahua. Bon. Ma plus grande qualité, c'est ma détermination. Ça va bien? Quand je veux quelque chose, je l'ai. Tu veux quelque chose, faut que tu l'as. Et c'est vrai que pour avoir l'air aussi nouille que Paris Hilton, ça prend beaucoup de détermination. Sinon, lundi soir était diffusé le documentaire d'Yves Desgagnés intitulé « La première ». Et c'était d'ailleurs la dernière fois que je regardais un documentaire à TVA. 7 minutes d'attentat suivi de 53 minutes d'infopub. Mais Carl Monnette de Radio X est quand même parvenu à analyser le bout où Mme Marois dit que son seul souci au moment de l'attentat, c'était de rassurer les gens dans la salle. C'est plus tard qu'on lui a expliqué qu'il y avait un tireur fou. Parce qu'entre vous puis moi, là, elle serait pas revenue si elle l'avait su. Hein. On connaît Pauline, hein? La plupart des gens, là, seraient pas revenus. Ben oui, mais ça, je te dis, mais encore plus là. Elle, là. Tu comprends? Si elle avait su que c'était un débile avec une arme à feu en arrière, hey, ça aurait pas été long que, écoute, elle aurait passé par-dessus tout le monde pour se sauver. Là. Bon, une autre affaire devant laquelle le PQ aurait reculé, les fous dans la tête avec des guns. Pour rester dans la réécriture de l'histoire, Stéphane Gendron de Radio X à Montréal s'inquiétait de son côté des nouveaux cours d'histoire proposés par le PQ. Ça devient romancé à un moment donné, de Lorimier. Qu'est-ce que tu veux? Moi, là, les 12 pendus au pied du courant, je suis pour ça, moi, qu'on ait pendu ces 12 personnes. Pourquoi? Parce que c'était la mode dans le temps. Tu te rebellais contre l'autorité. Non, mais c'est vrai. Toi, t'es ça marche de même dans le temps. Ouais. Tu sais, il faut y comprendre les Anglais. Puis grâce à eux, on a cette belle ville de Montréal. Voilà, Montréal est belle parce que les Anglais étaient pas mal fashion. Ça, c'est pas de l'histoire romancée, aucun nom. D'autre part, suite au vandalisme commis envers une mosquée de Saguenay, le maire de la ville, Jean Tremblay, a insisté pour dire qu'il ne fallait pas se faire du sang de cochon puisque les Saguenayens sont très, très accueillants. Puis de toute façon, là, il y a des extrémistes partout. Des extrémistes, on en voit dans, d'abord, les religions, toutes les religions, mais pas seulement dans les religions. Dans n'importe quel domaine, dans le domaine politique, là, des fois, il y a des propos qui sont pas répétables. Il y a même des extrémistes politiques et religieux qui ont des propos pas répétables, comme Jean Tremblay, le maire de Saguenay, il y a un an. Nous, les mous canadiens-français, on va se faire dicter comment se comporter, comment respecter notre culture par une personne qui arrive d'Algérie. On n'est même pas capable de prononcer son nom. Je comprends pas pourquoi il y a de l'intolérance au Saguenay. C'est très bizarre. C'était aussi cette semaine le retour de la commission Charbonneau qui s'attaquera bientôt aux syndicats. Évidemment, Éric Duhaime jubile. Est-ce que c'est la mafia qui a infiltré les syndicats ou les syndicats qui ont infiltré la mafia? Parce qu'aux États-Unis, c'est clair. Aux États-Unis, c'est clair que c'est la mafia qui a infiltré les syndicats. Au Québec, moi, je pense que les syndicats sont plus puissants que la mafia et je pense que c'est eux qui ont pris le contrôle de la mafia. Rien de moi. C'est sans doute pourquoi, au sein de la mafia, les assassinats nocturnes sont payés en double et pourquoi les mafiosi peuvent prendre de très longues vacances pour faire du camping dans des sacs de couchage de béton. Sinon, à la une de la presse cette semaine, on pouvait voir une mère de famille s'inquiétant de l'arrivée d'un McDo devant l'école de ses enfants. Disons que Denis Gravel et Jérôme Landry de Radio X ne l'ont pas trouvé drôle. On fait même pas ça avec les pédos et avec ce qui est vraiment dangereux. On le fait avec les McDo pis avec les Tim Hortons. Les parents sont sur le Xanax pis les antidépresseurs pis ils veulent pas que leurs enfants mangent des cheeseburgers. Ça va les oreilles? Ben oui. Va les oreilles? Mes oreilles allaient très bien jusqu'à il y a 10 secondes, mon Denis. Mais pour rester dans les sophismes, on pourrait se rassurer en se disant que les pédos près des écoles fréquenteront les McDo près des écoles, deviendront obèses et ne pourront plus courir après les enfants. Tout est bien qui finit bien. Peut-être aussi qu'il faudrait interdire les dentistes près des écoles. Ben oui, c'était dans les journaux cette semaine, là, un dentiste est accusé d'avoir mis son instrument dans la bouche d'une patiente. Reconstitution. Le dentiste, il gèle sa patiente, puis il demande un échange de services. Où c'est que je peux cracher? C'est pas bon, dentiste. Où c'est que je peux cracher? Ouais, peut-être que vous auriez été mieux d'avaler cette fois-là, monsieur Dutrisac. C'est tout, tu finis de même. Ben, C'est trash. Bon, d'ailleurs, c'est le remplaçant de Patrick, hein, juste vous le dire. Vous le savez, le gouvernement marois veut instaurer un cours d'histoire obligatoire au cégep et plusieurs commentateurs y voient d'ailleurs une occasion pour le PQ de réécrire cette histoire-là. Mais nous, ce qu'on veut savoir, là, c'est ce qu'en pense Jean-Étienne Eudes à la radio haïtienne. On écoute. Ici Jean-Étienne Eudes sur Radiovision, le 1430 AM, la lumière hertzienne de Montréal. Salutations à Gladys derrière la console, elle qui dans l'ombre effectue son travail sans rechigner, même si parfois la tâche est ingrate à cause de notre équipement brinque-ballant. En fait, cette semaine, le gouvernement Magua, parlons politique, gouvernement parfois chancelant de notre premier ministre, Mme Magua, y est allé d'une annonce salutaire. Nous allons enfin débarrasser les timounes du marasme historique grâce à l'implantation de nouveaux cours d'histoire. J'ose espérer par contre que ces cours d'histoire s'éloigneront de l'ethnocentrisme qui a toujours caractérisé les cours d'histoire depuis des décennies en ces terres arides, au propre comme au figuré. Par exemple, j'espère que les cégepiens et les cégepiennes pourront se régaler avec une session entière sur des personnages incontournables de l'histoire moderne du Québec, comme par exemple Grégory Charles, Tim Raines, Boucar Diouf ou Normand Brathwaite, un être complexe qui semble parfois trop blanc pour la communauté noire et trop noir pour la communauté blanche. J'espère qu'on fera une belle place dans le cursus à des personnages moins connus du grand public, mais qui ont transformé le Québec. Je pense à la première religieuse d'origine haïtienne, chez les Sœurs Grises, Evelyne Fanfan, celle qu'on surnommait la Grande Noire Sœur. Mais pour que la communauté noire reçoive le crédit qui lui est dû dans le développement du Québec moderne, il va falloir que le grand Makakoto Samuel enlève sa robe de charme et sorte de son mutisme afin qu'il mette à valeur les personnages clés de notre communauté. Comme le dit le sage, pardon pas que guérit boss, le pardon ne guérit pas les boss. Il est temps que la société québécoise cesse de s'excuser et reconnaisse l'apport de notre négritude dans l'histoire commune d'ici. Il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. On va aller retrouver Jean-Sébastien pour une dernière fois. Jean-Philippe, je suis toujours avec Mme Lorrain, toujours au Parc La Fontaine. Et encore une fois, on a eu beaucoup de Twitter qui s'adressent à vous, Mme Lorrain. Je commence avec le premier message qui nous vient de J.P. Vautier et qui va comme suit. Bonjour Daniel, je suis un grand cycliste et l'hiver dernier, vous avez écrit sur Twitter ceci. T'as pris ton vélo aujourd'hui, c'est que t'as pas pris ton médicament. Quel médicament me proposez-vous, Mme Lorrain? Eh bien, moi, j'aurais pensé à de l'EPO. Alors, de l'EPO pour JP Vautier. Dernier courriel, Mme Lorrain, qui nous vient d'une M. Lanteau de Frélixburg. Et ça va comme si. Dommage que tu te lances en politique. J'aurais beaucoup aimé te faire jouer dans mon prochain film. Ça aurait été une belle occasion pour toi de jouer un beau rôle de dépressif pour 30 cinéphiles du Milan. Oh, ça aurait été merveilleux! Ben, tu sais pas si c'est bête, mais vous allez quand même continuer un peu votre carrière d'actrice. Oh, j'en fais un peu, mais je suis en ce que je suis en train de faire présentement. Ça, c'est bon. Bonne. Mais Jean-Philippe, savez-vous quoi? Non. Mais c'est déjà fini pour moi aujourd'hui. Ah, ben le bonheur! Mais je vous retrouve la semaine prochaine avec la suite de Viens voir les politiciens. Je serai alors avec l'échevine sortante de Rosemont, Hélène Ayotte. Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oh, ça m'a fait plaisir. Hey, quand est-ce que Jean-François arrive? Jean-François Lépine? En 5 minutes. Jean-François OK, Lépine. Bye! Bye! On n'en peut plus de toi, là, Jean-Sébastien. OK. Fred, notre dernière chronique, s'il te plaît. Elle nous revient encore une fois cette année avec son regard unique sur les nouvelles insolites. Accueillons la papesse de l'actualité absurde, Léa Strelitzky! Bon. Léa! Oui! Hey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Oui, ça fait 2 mois. Ben oui, vous aviez la même robe, d'ailleurs. Ça, quel sens de l'observation, mais ça c'était à Noël. Ah, pardon, mon Dieu, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Alors, vous refaites encore les affaires insolites, là? Oui. La Corée du Nord a célébré 60 ans d'armistice avec des missiles en carton-pâte et des soldats nains. Ah, oui. Qui jette des grenades sur un lit d'orchidées. Ben oui. Oui, parce que. Je fais ça aussi, moi. Ben, je pense qu'il n'y a rien qui dit mieux vive la paix que des grenades pitchées sur des orchidées. Ouais, mais c'est des par contre, ouais. Par contre, les soldats nains, je suis pas sûre. Je ne sais pas à quel point c'est super efficace. En Chine, un zoo. Il faut dire zoo, hein, j'ai appris ça récemment. Un zoo faisait passer un gros chien roux pour un lion. Oui, il le faisait passer dans une cage. Il avait mis les espèces de gros chiens tibétains là, avec le poil roux, ils avaient écrit lion en espérant que ça passe. Puis donc, le zoo a dû fermer. Mais à cause du lion? Ben, moi, je trouve qu'ils ont raté une opportunité. C'est une opportunité ratée parce que personnellement, des animaux déguisés en d'autres animaux, je pense que j'irais voir ça. Il y a une mise en abîme là-dedans. Il y a quelque chose. Malheureusement, ils l'ont... Ils l'ont pas assumé. Ils auraient dû le jouer transparent. Ben oui. Ah, c'est un beau conseil, j'imagine. Hein? Ils vont vous entendre. J'espère qu'ils vont nous entendre. Ils vont vous entendre, Léa. On n'est pas censurés là-bas. Ben non. Nouvelle numéro 3. Hey, c'est à moi, là. Oui, pardon. Nouvelle numéro 3. En Angleterre, Pizza Domino teste la pizza livrée par drone. Oui, oui, absolument. Si la pizza n'est pas chez vous en 30 minutes, ils vous l'éclatent à la gueule. Donc, je pense. C'est une bonne blague. Ben, c'est merci, Jean-Philippe. Nouvelle numéro 4. À New York, une madame a échappé ses chatons sur les rails du métro. Oui, c'est une vraie nouvelle. Par inadvertance, elle les a échappés. Donc là, tout le monde a eu peur, évidemment, qu'ils soient écrapous. Ben, allô? Sauf Stéphane Gendron, car on Un homme de 70 ans s'est rentré une fourchette de 10 cm dans le pénis. Ceci dit, j'ai appris trois choses dans cette nouvelle. Premièrement, ce monsieur a un pénis d'au moins 10 cm. Ben! À 70 ans, come on! T'sais. Deuxièmement... C'est grand comment, en tout cas? Oui? C'est ça, à peu près. Ah, ben deuxièmement, en vieillissant, il semblerait que l'urètre devienne un peu plus slack. Ah. J'ai appris ça aussi. Ah. Et troisièmement, mais Fred, je ne sais pas. Non. Ceci expliquant ça. Ben non, ouais. Et bien sûr. Ceci expliquant cela. Et bien sûr, la troisième chose que j'ai apprise, c'est éviter de vous rentrer une fourchette dans le pénis. Mais c'est pas de l'humour social que vous faites. Jamais. C'est ça que je me dis. On a Fred pour ça. Merci beaucoup, Léa. Merci énormément. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René où on entre dans l'univers littéraire de Guy Mignot. Et pourquoi pas la poune sans cagaille? On vous entend, Jean-Sébastien. Je suis vraiment désolé, Jean-Philippe. Ben oui, c'est bête. Merci à toute l'équipe. Jean-Sébastien. Ah, je suis vraiment désolé, Jean-Philippe. C'est tellement désolé. Ben oui, là, OK, fermez son micro, on n'en peut plus. Merci à toute l'équipe, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, le grand Alex Courteau et Marie Lambert. Et un gros merci à nos invités, Marie Plourde. Bonne chance aux élections du... 3 novembre. Eh hey, mon Dieu, allez-y, le 4, ça aurait-tu été bien? Non, la veille du 4. La veille du 4 novembre. Alors, la veille du 4 novembre et Micheline Langteau, on a hâte de voir Autrui, votre prochain film qui va prendre l'affiche. C'est toujours long, ça fait vraiment... Oui, oui, ça va être long. Ouais, ça, ça va, on parle de 2014. Parfait. Et si vous voulez revenir dans la semaine prochaine... Dans toutes les salles du Québec. C'est libre, hein, la semaine prochaine, Micheline. Ah, formidable. Il n'y a pas de problème. Évidemment, Unité 9. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Élise. Réécoutez nos balados, je vous en prie, en vous rendant sur notre site web. Parlez de nous à vos amis. Venez assister à l'enregistrement de l'émission. Il y a plein de monde ce soir. D'ailleurs, on vous écoute. Ben, on vous écoute. Non, on les écoute. On vous entend. Faites du bruit. Faites du bruit. Bon. Envoyez-nous un courriel si vous voulez assister à l'émission. On va se faire un plaisir de réserver une place. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.